Un matin, mon réveil ne sert à rien. Pas le temps de déjeuner, pas le temps de me laver, ça commence bien. Jusqu'au temps d'enfiler un jean, un pull en laine et un chewing-gum pour la laine. Courir dans les rues une fois de plus, voir au loin s'éloigner mon bus, c'est pas de veine. Pas de matin comme ça, on est bien mieux sous les draps. Y'a de matin comme ça, on fait mieux de rester chez soi. Une heure plus tard, le patron ne veut plus me croire. Des traces d'oreiller sur ma joue peuvent encore se voir. Jusqu'au temps de mettre mes clics, mes claques de mon bureau. Avec le patron ajoutant que la prochaine fois je viendrai plus tôt. Me voilà sorti alors qu'il commence à pleuvoir. Pas un seul abri pour mes affaires, il est trop tard. Alors que je trouve plus mon portable pour rappeler, je me dis que c'est probable qu'il soit tombé, que je l'ai paumé. Et en plus il pleut à torrent, je n'ai plus qu'à rentrer ruisselant et glacé, oh glacé. Y'a des matins comme ça, on est bien mieux sous les draps. Y'a des matins comme ça, on ferait mieux de rester chez soi. J'apprends dans la gare, c'est la grève qu'aucun train ne part. Tandis que dehors, il ne s'arrête plus de pleuvoir. Je vais rentrer chez moi à pas d'heure, m'endormir devant la télé. Et ouais, au moins demain je serai à l'heure puisque je me suis fait renvoyer. Y'a des matins comme ça, on est bien mieux sous les draps. Y'a des matins comme ça, on ferait mieux de rester chez soi. Y'a des matins comme ça, on est bien mieux sous les draps. Y'a des matins comme ça, on ferait mieux de rester chez soi.